bien. Dirty. Mesdames et messieurs, maintenant, nous laissons la place à Monsieur Karma. chiant ça. Mais j'ai pas le... D'accord, ouais. Yeah. la première fois que je joue au boulot. Je pars sur le... C'est moi qui a fait la batterie. semaine. N'empêche que j'aurais bien aimé composer un tube comme ça. Génération, c'est pour ça. Mais trois nuits par semaine, Isabelle a les yeux bleus. Merde, c'était facile comme morceau.